toujours l'objet des critiques d'un tempo qui m'oppose à lui tomba là. Utana zunga kikini bandoto senga na yo. Papa se tungi singa e bale kabolinga na yo. Nako kati sanenge nininga e kubwa tute. Ka impete, ya solo bolingo e kumu. Dieu Pablo, papa na amansi. Utana zunga kikini bandoto senga na yo. Papa se tungi singa e bale kabolinga na yo. Nako kati sanenge nininga e kubwa tute. Solo bolingo pasi Tonton Feli Na koma nanga Yesu na tambola likolo ya mai Boyo ni mama Na tandeli yo mandala La tande boko Una ya mayo ndenge kanu la mazia Yo kanenge fonde ya koye mbayo Na modele ya basantu na kunte maya wenge C'est vrai qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Kouloutou Engambe Edo, Alberto Bonito, le ministre, Moukoubo Achabani, le grand saoudien Adam Bombolé, sans oublier Maître Mado. Kanenge fonde ya koyeba yo Na modele ya basantu Na kutemba ya wenge Kale mbogo Eba mtu wako kufa Eko mitamo ya bakulutu L'incomparable Akobina nzembo na mama Papa Mukam Papa Leon Papa Kiuta Kadele misana no singa Pema wanda Laipe na pemi sayanga motema Josta bumbu Sunga mwana mbuga Yemersi kanda Yaya nadasien Kreswa sengo merka bishi Dadele misa na no singa Okabo na pari Laipe na pemi sayanga motema Sunga mwana mbuga Karimu mbuga Yaya nadasien Yemema kaya damien The big boss Jean Gandu Pasi na komono Eke ina mo pepe Wale wale langa Jean-Claude Mavamu Na keko le la jipe Anzuluni kabama katanga Pasi ya kole la moto Meto e komi monene François Kabemba Kadele misana no singa Yo kanga na nzembeli yo Nana luna kilikundi Nanda koyampa Mopepe ya kaina Ebuka kiyango Jodas kanga Carlos Mulamba edite Naiko mwana missioni Na ebi mpungute Habiba kwa fire Cecilia Kadele misa na no sima Naipe na be misa ya nga maotema Jema mwana mbuka, Chamine ya ya na grasye Yawe mboka na yonini, yawe kombo na yonaniye Ona katia jardin de dene, tuti ave, tuti ete Kale zala kite bande, koko le la peyi kelefe Satan le diable esprit mabe, ami bongo li nyoka Ae koko sa eva, yango mokile koma bololo Chico Sengo Chima Jonas Mbes Tonto Matisse Dadele misa na no singa Naipe na pe misa ya mamotema Songa mwana mboka Yaya na grasye Chuma Boka Bokaka Na enigme Le millionaire La référence Mambo Bobina Nzi papa Rambo, papa Kiloscar, général Voltaire. Ah, nous vivons l'époque de Aimé, tempête du désert, Saddam Hussein, l'homme fort. Elzi, l'empereur de Waterloo, Aimé Kokos. Ah, le haut sommet, André Kimbuta, le grand donateur des États-Unis, Mouto Moti Kembe. Ah, Babi Massamba. Régime des Angles, femme de luxe. Oh, Nancy Ndeko Elysée, femme d'affaires. Ma bang, ma bang, ma bang. Papi Kim, personne n'a l'air. Lisa Bang, Onge, Andeko Bayoka, Lisa Po, Yawenge Musika, Lisa Lakimo. Sally Wendell.